Direction Sennhaus. Présente Mazouzi. Khadrke Samir. Khadrke Mimoun. Ziani ou Halim ou Hamza. Mahidin Bouchiri. Fi khadrke Oustadna. Wild Malal. Arab Ghilizan. الحجاج سمير صحيح.